sweet up with the hell, man. Manja passe 500 grammes l'eau, puis d'y vais, moto et allo. J'irai dimanche le bras long, l'argent tout seul qu'on compagnon. Au pays, manque avant de voir qu'on malonne. Les mains en France, t'en travail gros patron. Piti, mais malin contre Joe Dalton. Fini mon sorti, fait 50 bâtons. Est-ce que t'es sa vive qu'a fait ouvrir la porte? Hein? Dissène Jom, j'mange tout seul comme Al Capone. Pas de ma tape comme Judas la botte. Ça vite l'ou, ça vine léger, compli ma coque. Hein? Les vieux, ça winga au Jom. En cas souhaité tout squad, la fait le pactole. L'argent pop, l'argent sale, kilogramme ou bien tonne. Hein? Hein? Quand ça bout, ça trompe. Spé ou pas trop, non. Quand ça bout, ça trompe. Spé ou pas trop, non. Ça check nous des violettes des allées. La nichit, ka von. Et tout baguette nous ka allé. Donc la ni bitch ka on. Et c'est pas tout dit où on l'a mis. L'argent ka fait janvier décembre. Nous finis de si Paris. Nous ka rien qui compte gros somme. Pas n'importe qui bouge, faut l'y mettre. Pas ni l'y moun ka servi pour l'y mettre. Nous pas si bon tous pour ciser. L'argent la ka fait ciser pour ciser. Car eux toujours organisé. Même les nous tout seul nous apisé. Depuis ça rentable mon camisé. Tibouga toujours veste qui misé. Nouvelle minimum trip. L'année t'as la fuck tout. Les fucking dog mes fruits. Avec big up jackass qui déba ou cavré. Yon de bricks. Pas vine palier avec moi. Si ou pas ni yon lias gros c'est un brick. Ça pe ça pe fin un dum dum brick. Ça trom. Spé ou pas trop non. Quand ça ça trom. Spé ou pas trop non. Non. Ça trompe.